particulier sur Volkswagen pour être inquiété. Il va gagner ce Dakar 2006 demain sur les bords du Lacrosse, puisque cette dernière étape, vous en avez parlé, n'est plus qu'une formalité. Luc Alphand qui va donc décrocher son premier Dakar à bord de sa Mitsubishi. En moto, c'est David Frétinier, le motard de Villefranche-de-Rouergue, qui l'emporte. Première victoire pour lui aussi cette année sur sa Yamaha. Il a souffert, mais il parvient à l'emporter. Sur ce Dakar, il venait pour gagner. Il n'y parviendra pas. Il gagne quand même cette étape. Cyril Després, le Français tenant du titre, termine bien loin, 42 minutes et 46 secondes, preuve que cette dernière étape n'était pas forcément très facile pour lui. Et Marc Coma, l'Espagnol, lui reste en tête du classement général. Coma et Alphand, voilà donc les deux vainqueurs de ce Dakar 2006 qui vont pouvoir lever le trophée demain sur les bords du Lacrosse. En direct de Dakar, Richard Place, France Inter. France Inter, où il est 13h20, merci d'avoir écouté ce journal. Je vous retrouverai avec plaisir à 19h. Merci Laurence Thomas. Tout de suite les prévisions météo de Jacques Kessler de Météo France. La météo avec les Briconautes. Magasin de bricolage, décoration, jardin. Après-midi ensoleillé sur la plupart des régions, en dépit d'une légère progression des nuages. Soleil dans le nord, soleil dans l'est, sauf quelques brouillards tenaces du côté de Strasbourg. Soleil sur le centre, une grande partie du massif central, sur les Pyrénées, la vallée du Rhône, la Provence et les Alpes. Soleil dominant en Corse, soleil voilé de la Normandie à la Vendée, les Charentes et l'Aquitaine. Quelques petites pluies sur le Roussillon, sous des nuages gris qui s'avancent vers le midi toulousain et les Cévennes, et des pluies encore plus dispersées sur la Bretagne. Les températures culmineront entre 2 degrés à Strasbourg et à Dijon, et 12 à Biarritz, Nice et Ajaccio, dans l'ensemble proche de la normale. Demain matin, on retrouvera de fortes gelées dans les régions de l'Est, moins 8 prévues à Nancy et à Dijon. Dans l'après-midi, ce sera à peu près comme aujourd'hui, par exemple 6 degrés à Paris, 10 à Bordeaux et à Marseille. Les pluies de la Bretagne gagneront la Normandie, les Pays de la Loire, les Charentes. Celles du Roussillon s'étendront à tout le Languedoc, neige à 800 mètres sur les Cévennes. Encore du soleil sur la majeure partie du pays, après quelques brouillards givrants dans l'Est. Renforcement du vent près de la Manche et autour du golfe du Lion. Merci Jacques Kessler, il ne fait pas chaud, alors restez avec nous. Vous êtes sur France Inter, 13h21. Et on retrouve tout de suite Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Il était jeune, blond, et il parlait avec un accent de titi parisien. C'est à peu près tout ce que l'on sait de lui. La veille de son exécution, il s'est adossé contre la porte de sa cellule et il a chanté la Tosca, les vers du condamné à mort. Le ciel luisait d'étoiles, il est fini ce jour heureux et c'est mon dernier jour, je meurs désespéré et jamais je n'ai tant aimé la vie. Au petit matin, le jeune homme blond a été sorti de sa cellule par des hommes en uniforme armés de mitraillettes. Puis, on l'a fait monter dans un véhicule où se trouvaient déjà 6 autres détenus. Quelques kilomètres plus loin, le cortège s'est arrêté devant le mur d'un cimetière. Tout le monde est descendu. Les 7 prisonniers se sont alignés et aussitôt les hommes en uniforme ont tiré plusieurs rafales jusqu'à ce que le dernier homme tombe. Puis, les hommes en uniforme ont posé sur chacun des cadavres un carton où était écrit un nom, sauf sur la dépouille du jeune homme blond, car nul ne savait qui il était. Et aujourd'hui encore, 60 ans après, ce jeune homme sans épitaphe demeure un inconnu. Un peu plus tard, le commissaire Faury, alerté par des voisins du cimetière, est venu faire les premières constatations. Il a observé les 7 suppliciés et il a noté dans son carnet que tous présentaient un profil juif. Ainsi, cette observation raciste permettait-elle au jeune inconnu de rejoindre à jamais ses 6 frères assassinés? C'était le 29 juin 1944 à Rieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon. Et ces 7 juifs avaient été désignés et envoyés à la mort par un certain Paul Touvier, chef régional du 2e service de la milice, le premier Français condamné pour crime contre l'humanité, mais plus d'un demi-siècle après ce crime. Un demi-siècle pendant lequel le milicien a échappé à la justice grâce à un étrange réseau de complicité. C'est en particulier ce point qui a attiré l'attention de Monsieur X dans un instant son récit. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'ordre, ni la prière, vos agonisants, 11 ans déjà que cela passe vite. Bon sang, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'ébrouille pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, cherchait un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée. Oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. France Inter, rendez-vous avec X. Sans vous le dire tout de suite, ce monsieur Touvier, monsieur Paul, comme l'appelaient certains, n'est guère intéressant lui-même. Sa personnalité, vous voulez dire. En effet, oui, ce n'était qu'un petit fonctionnaire du crime, un être méprisable, qui n'a dû qu'à la guerre de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le symbole d'un régime détestable, à coquiner avec l'ennemi. Non, ce qui aujourd'hui encore reste en partie mystérieux, ce sont les raisons qui ont poussé tant de gens et d'institutions à aider Paul Touvier et à le soustraire à la justice. Voilà, tous ne connaissaient peut-être pas le passé de ce milicien. Bon, c'est certain, c'est possible en tous les cas, on verra ça en détail. Mais beaucoup ont protégé Touvier en toute connaissance de cause. Alors, pourquoi et de quel secret était-il détenteur pour bénéficier ainsi de si nombreuses attentions? Et vous évoquez là une sorte de chantage? Oui, enfin n'allons pas trop vite. Et malgré ce que je vous ai dit au début de cet entretien, pour comprendre, il faut bien remonter à la source. C'est-à-dire savoir d'où vient ce personnage mort en 1996 après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité 2 ans plus tôt. Oui, je vous écoute, alors allez-y. Touvier est né pendant la Grande Guerre. Son père, sous-officier de carrière, a fait, comme on dit, une belle guerre. Et la paix revenue, il obtient, au titre des emplois réservés, un poste de percepteur en Savoie. Cet ancien militaire est un homme rigide, pétri de religion, foncièrement nationaliste, et qui a naturellement fait une ribambelle d'enfants à son épouse. La pauvre finira d'ailleurs par en mourir. Un accouchement qui s'est mal passé, oui, j'imagine. Oui, une septicémie, oui, comme il y en avait encore tant à l'époque. Manque d'hygiène des accoucheurs ou des sages-femmes. Et le docteur Destouches, qui n'était pas encore Céline, en fera son sujet de thèse. Je me souviens, oui. Mais, bon, enfin, je m'éloigne la tête. Alors, pour bien peindre le père de Touvier, il suffit de lire l'épitaphe qu'il a fait graver sur sa tombe. « Vous le savez, Seigneur, si je prends une épouse, c'est uniquement dans le but d'avoir des enfants. » Curieux. Pour le moins, oui. En tout cas, on ne devait pas rire tous les jours dans la famille Touvier où le père faisait régner une implacable discipline. Mais passons. Oui, mais alors, politiquement, Touvier, là, Je vous ai dit que Touvier père était nationaliste, et farouchement nationaliste. Ses héros sont Charles Maurras, Déroulède, ou bien encore Joseph Darnand. Un héros de la Grande Guerre qui sera le futur chef de la milice. Hein. Et bien sûr, lorsque Pétain, liquidant la République, arrivera au pouvoir, l'ancien sous-officier sera un fervent maréchaliste. Ouais. On parle toujours de Touvier père, là. Mmh. Et le jeune Paul, alors? Oh, bon, lui, il doit guère avoir son mot à dire. Et son père a déjà décidé de son avenir. Il sera prêtre. Il a 12 ans lorsqu'il est confié au père d'un internat religieux. Mais absence de vocation ou refus de la règle très dure de cette institution, le garçon fugue. Et déjà, il se cache dans des églises. Oui, déjà parce que plus tard, il faut le rappeler, comme il fera appel à des religieux pour échapper à la police. Oui, c'est ça. Toutefois, cette fugue enfantine ne peut pas durer très longtemps et Touvier doit regagner le domicile de son père. Ah, étant donné le caractère de celui-ci, ça ne doit pas se passer très bien. Hein. On peut l'imaginer. Quoi qu'il en soit, le garçon regagne Manu Militari son internat. Mais le supérieur dissuade Touvier père de lui confier à nouveau son fils. Paul n'est pas fait pour devenir prêtre. Aussi est-il inscrit dans un collège religieux ordinaire où il va suivre une scolarité plutôt médiocre. Ouais. Donc il n'est pas plus doué pour les études que pour la prêtrise. Et il abandonne en classe de troisième. Comme il n'est pas question que son père le nourrisse à rien faire, il trouve un emploi d'apprenti chez un photographe. Puis, après son service militaire, il passe un examen pour rentrer au chemin de fer. Pour faire quoi Il est admis comme expéditionnaire. C'est un travail très modeste. Mais qui correspond à ses possibilités. Touvier n'a jamais brillé. C'était un besogneux, un rond de cuir. Et malheureusement, l'occupation va lui permettre de développer l'une de ses seules qualités, la minutie et le sens de l'ordre. Alors, justement, venons-en à l'occupation. Attendez. Auparavant, il se marie. Et ça lui vaut de se fâcher quelque temps avec son père. Pourquoi son père désapprouve cette union? Forcément, le père de cette jeune femme est franc-maçon. Ah bah oui, fait alors. Enfin, ce mariage ne dure guère. La jeune Madame Touvier meurt en donnant naissance à des jumeaux dont l'un succombera peu après. Double drame. Mais Touvier ne restera pas longtemps seul. Peu après, il se met en ménage avec une prostituée. Qui cesse d'exercer son activité. Ah bah pas le moins du monde, non. Alors, Touvier, au terme de la loi, peut donc être considéré comme un proxénète. Tout à fait. Et ce sera l'une des accusations portées contre lui lors de son procès en contumace. Et si j'insiste sur ce point, somme toute anecdotique, c'est que Touvier se présentera ensuite comme un dévot à la morale rigoureuse. Toutefois, poursuivons. En 1939, le futur milicien est mobilisé et participe en 1940 au combat. Mais là, non plus, il ne brille guère. Il est même soupçonné de désertion, ce qui lui vaut d'être brièvement interné. Mais il ne tarde pas à rejoindre Chambéry, où il est désormais installé. Alors, avec sa maîtresse prostituée? Oui, il ne la quittera qu'en 1944. De retour en Savoie et réconcilié avec son père, Touvier donne libre cours à ses penchants naturels et adhère à la Légion française des combattants. Oui, une organisation pétainiste. Qui va donner naissance au service d'ordre légionnaire. Oui, et puis un peu plus tard à la milice. C'est exact, oui. Dans ces organisations, Touvier se sent chez lui. D'abord parce que ça correspond à ses idées, et puis ensuite parce qu'on lui confie un travail qui le satisfait pleinement, la confection des fiches. Mais des fiches sur quoi, là? Au départ, il s'agit de recenser les membres de la Légion. Mais bientôt, il faut aussi ficher les opposants, sympathisants gaullistes et personnes dénoncées de façon anonyme parce que soupçonnées d'appartenir à la Résistance. Un travail dans lequel Touvier excelle. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que son père approuve ses activités. C'est même lui qui lui suggérera d'entrer dans la milice lors de sa création en 1943, à l'initiative de Joseph Darnan. Mais Darnan, l'un de ses héros, m'avez-vous dit. Un glorieux ancien combattant qui a aussi fait preuve d'un grand courage en 39-40 en créant des corps francs qui iront harceler l'ennemi au-delà du front. Malheureusement, ce cagoulard basculera dans la collaboration la plus totale puisqu'il finira même par prêter serment à Hitler. Touvier fils, c'est donc surtout un gratte-papier. Au départ, oui. Mais lorsque l'occasion se présente, il participe aussi à des expéditions punitives. C'est ainsi qu'il prête son concours à une opération de quelques nervis d'extrême droite contre des commerçants de Chambéry soupçonnés de gaullisme. Mais ça consiste en quoi, là? À briser des vitrines et aussi à barbouiller des slogans hostiles aux gaullistes et aux communistes. Évidemment, ces voyous sont assez vite repérés et appréhendés par la police. Touvier aussi, hein? Aussi, oui. Mais rapidement, Vichy ordonne leur libération. En tout cas, incontestablement, Touvier donne satisfaction à ses chefs, ce qui lui vaut de bénéficier de promotions flatteuses, jusqu'au point de devenir le responsable du deuxième service de la milice pour toute la région lyonnaise. Qu'est-ce que c'est, là, ce deuxième service? Un service de renseignement. Et Paul Touvier, le maniaque des fiches, s'y trouve comme un poisson dans l'eau. Ouais. Donc, un service de renseignement de la milice chargé d'obtenir des informations sur la Résistance. Ah, naturellement. Et qui, disons-le tout de suite, même si Touvier s'est acharné à le nier, travaille en étroite coopération avec la Gestapo. Ouais. Et la Gestapo à Lyon, c'est Barbie. Hein. Et ce dernier, lorsqu'il sera interrogé en vue de son procès, affirmera qu'il était en contact avec Touvier et que la milice fournissait de nombreux tuyaux à la Gestapo. Des tuyaux, mais aussi des prisonniers destinés à être interrogés. Interrogés, c'est-à-dire torturés. Bah, bien sûr. Mais les services de Touvier n'étaient pas en reste. On torturait aussi dans les locaux de la milice. Et Touvier ne pouvait l'ignorer, puisque son bureau se trouvait à proximité des salles où les prisonniers étaient interrogés. Mais les exactions de la milice ne se limitaient pas à ces interrogatoires musclés, qui parfois d'ailleurs se terminaient parce qu'on a appelé plus tard en Algérie des corvées de bois. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les collaborateurs, on les pendra. Amis, sentons avec ferveur le chanvre purificateur. Pressons-le bien en cadence, car il en faudra bientôt pour suspendre à la potence les traîtres et les salauds. Lorsque le Boche sera chassé de notre pays bien-aimé, pour faire justice prompte, le chanvre aura, par ma foi, dans le règlement de compte, une place de premier choix. Jean de Vichy et d'autre part, aux lampadaires des grands boulevards, se balanceront vos charognes, dont les corbeaux affamés se détourneront sans vergogne quand ils seront dégoûtés. L'instant sera bientôt venu. Préparez-vous, lâches et vendus. Va falloir payer vos dettes sans escompte et sans appel, en exhibant vos sales têtes dans le nœud coulant mortel. Oh là, les lavas, les consorts, voilà ce que sera votre sort. Et cependant, à tout prendre, vous êtes tombé si bas que la corde qui va vous pendre, vous ne la valez même pas. Regardez bien, mauvais larron, le beau chanvre que nous tressons. Venez, venez à la ronde, sans bousculade approcher. Il y en aura pour tout le monde, c'est le moment d'en profiter. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les collaborateurs, on les prendra. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Laurent Grésalmer et Daniel Schneiderman, tous deux alors journalistes au Monde, ont publié un livre sur Touvier, Un certain Monsieur Paul. J'extrais de cette enquête très fouillée cette évocation de la vie du jeune Touvier, employé du chemin de fer avant qu'il ne rejoigne la milice. Une vie tout en gris, un avenir exaltant comme une voie ferrée courant vers l'infini, un passeport pour 40 ans de médiocrité, que distraient à peine les réunions de la Légion des combattants. Du reste, qu'est-ce que l'écroulement de la Troisième République et l'occupation ont changé à Chambéry? Pas grand-chose. Jusqu'en 1942, la ville étant située en zone non occupée, on n'y verra pas un uniforme italien ou allemand. Imperturbable, comme avant la guerre, toute la famille Touvier lit religieusement l'hebdomadaire La Croix de Savoie, où elle puise des nouvelles de l'Église, médite chaque dimanche sur un extrait des Évangiles, prend connaissance de la liste des médaillés de la reconnaissance diocésaine, ou commente les éditoriaux percutants et réactionnaires du chanoine Bernard Secret. L'univers entier semble dirigé par de bienveillantes puissances tutélaires, Monseigneur l'archevêque, le maréchal, le comte Léon Costa de Bourgard, chef de la Légion de Savoie. C'est tout juste si, dans la Croix de Savoie, on remarque une rubrique épuration qui signale des révocations dans la fonction publique pour attitude hostile à l'œuvre du maréchal Pétain. Les corvées de bois, c'était des exécutions pures et simples. Ouais, on faisait sortir le type, on l'emmenait jusqu'à un endroit isolé et on lui logeait une balle dans le dos. Ouais, comme pour simuler une fuite, ça. Mmh. Et vous parliez aussi d'autres exactions commises par Touvier et les sbires de la milice. En effet. Les miliciens ont mitonné à leur façon les lois racistes édictées par le gouvernement de Vichy. Et ils ne font pas mieux que les gestapistes français de la sinistre carlingue. Ouais, c'est-à-dire les gangsters parisiens de la rue Rustan. Oui, enfin, Touvier et ses hommes ont ainsi pris possession d'appartements de juifs lyonnais. Et bien entendu, ils se sont emparés de tous les meubles, les objets de valeur que contenaient ces logements. Il y avait même dans les locaux de la milice une salle entière destinée à entreposer ce butin qui était ensuite, naturellement, partagé entre tous les miliciens. Enfin, il fait nul doute que Touvier, en tant que chef, se servait en priorité. Quant aux appartements, il y logeait ses maîtresses. Ouais. Dont cette prostituée, là, dont vous m'avez parlé? Il faudra encore évoquer les autos volées à leurs propriétaires juifs. En toute impunité. Ah, ça, c'est évident. Les miliciens ne volaient pas. Ils réquisitionnaient. Des réquisitions pseudo-patriotiques. C'est la même chose, hein. Bon, j'ajoute que ce grand catholique, usant de la toute-puissance que lui procurait son uniforme, n'hésitait pas à racketter les commerçants. Ceux, par exemple, qui, dans cette période difficile, se livraient au marché noir. Bon, bref, après tout ce qu'il dit, là, c'était un gangster. Exactement. Mais je reviens à ce qui apparaît quand même le plus grave, hein, les tortures. Et les exécutions sommaires. Est-ce qu'on a la preuve que Paul Touvier a été personnellement impliqué dans ces crimes? Des crimes qu'il a toujours niés, bien sûr. Alors, dites-moi, alors, qu'en est-il? D'après les nombreux témoignages recueillis après la guerre, il est à peu près établi que Touvier n'a pas personnellement mis la main à la pâte. C'est-à-dire qu'il n'a pas manié la GGN ou frappé les prisonniers, mais il a assisté à des interrogatoires. Des interrogatoires, quoi. Quand en chef, il a dirigé. Effectivement. Et d'autre part, pardon de me répéter, il ne pouvait pas ne pas entendre les cris des suppliciés ou voir passer dans les couloirs les détenus sanguinolents. Et puis, encore une fois, c'était le chef. Ouais, hein. Donc il était le premier responsable. Mais Touvier s'est toujours débrouillé pour ne pas être impliqué en personne. Ah ouais, il laissait faire ses hommes, quoi. En général, oui. En témoigne en particulier l'assassinat des époux Bache. Bache, c'est Victor Bache, hein, le président de la Ligue des droits de l'homme. Oui, israélite, Bache et son épouse ont trouvé refuge à Caluire. La même, hein, où sera capturé Jean Moulin en 43. Tout près de Lyon, oui. Bache est un homme courageux qui s'est engagé pour toutes les causes qu'il méritait. Et il s'est naturellement attiré la haine de l'extrême droite. Et tous ces ligueurs des années 30 qui ont fait le lit du pétainisme. Donc cet ancien professeur à la Sorbonne, âgé de 80 ans, s'est replié à Caluire, et malgré les avertissements de ses amis, il n'a pas voulu s'éloigner de l'agglomération lyonnaise lorsque les Allemands ont envahi la zone libre. Oui, il aurait pu rejoindre un lieu plus paisible. La campagne, par exemple. Ouais. Mais à vrai dire, Bache ne se sent pas menacé. Et chaque semaine, il va pointer au commissariat où on le reçoit avec courtoisie. Mais pourquoi ce pointage-là? Il était assigné à résidence par Vichy. La suite est misérable. Un responsable de la milice, le sanguinaire Lécussant, est informé, sans doute par un agent de la Gestapo, de la présence des époux Bache dans la région lyonnaise. Pour ce tortionnaire, c'est insupportable, car Bache multiplie les indignités. Juif, philosophe, progressiste, il est aussi franc-maçon. C'en est trop. Et c'est là que Touvier intervient. Mais alors de quelle façon? C'est lui qui a permis à Lécussant de découvrir l'adresse des Bache. Et selon un enquêteur digne de foi, le commissaire Delarue. L'historien? Delarue, en effet, écrit des ouvrages très documentés sur cette époque. En particulier sur la Gestapo. Donc, selon Delarue, Touvier a participé à l'expédition meurtrière contre les Bache. Une expédition à laquelle se sont aussi joints des types de la Gestapo et des hommes de Touvier. La suite, bon, vous la connaissez. Les deux malheureux vieillards vont être exécutés et Lécussant poussera l'ignominie jusqu'à déposer sur les corps un tract antisémite. Oui, mais Touvier, là... D'abord, je vous l'ai dit, c'est son service qui a logé Bache, comme on dit dans la police. Ensuite, selon Delarue, il se trouvait dans l'une des voitures. Mais prudemment, il n'en est pas sorti. Toutefois, je dois à l'honnêteté de reconnaître que sa présence n'est pas avérée par les témoins interrogés après la guerre. Oui, je veux bien, mais Delarue, que j'ai connu autrefois, est quelqu'un de sérieux. Hein. Absolument. Et alors qu'il était question de gracier Touvier au tout début des années 70, il a mené une enquête très approfondie sur l'ancien milicien. Donc, le doute subsiste quand même. Oui, il faut l'admettre. Et Touvier affirmera même plus tard: si j'avais été au courant, les époux Bache n'auraient pas été abattus. Mais comment démêler la vérité au milieu de tous les mensonges que proférera Touvier lorsqu'il sera enfin rattrapé par la justice? Et c'est une affaire tout aussi horrible qui lui vaudra d'être condamné pour crime contre l'humanité. Et cette fois, sa responsabilité ne fera aucun doute. Du quoi alors? L'exécution de 7 juifs en juin 44. Mais si vous voulez bien, nous verrons ça en détail un peu plus tard, hein, car c'est cette inculpation qui permettra d'obtenir la condamnation définitive de Touvier. Les Bache ont été exécutés, si ma mémoire est bonne, en janvier 1944. Déjà, la défaite du Troisième Reich semble inéluctable, et la milice redouble de cruauté. Mais c'est une sorte de fuite en avant. Oui, ça c'est certain. Avant d'être défaits, les miliciens se vengent par avance. Quelques exemples. Au mois de mai, la Frangarde, qui est le bras armé de la milice, cerne un château où sont rassemblés des résistants. 7 d'entre eux sont tués. Puis, c'est une expédition contre un bâtiment d'Annonay. Touvier lui-même met le feu à l'immeuble. Ah, cette fois, pour une fois, si je puis dire, il ne s'est pas contenté de regarder. Hein. Un peu plus tard, en juin, il est encore présent lorsque la milice attaque une imprimerie clandestine du réseau Combat. 3 résistants sont abattus. Il est alors évident que l'annonce du débarquement allié en Normandie décuple la rage des miliciens. Mais c'est bientôt la fin, hein. Fin août, après le débarquement en Provence, l'armée de Delattre progresse dans la vallée du Rhône. Mais dans le camp adverse, c'est la débandade. Gestapistes et miliciens fuient en toute hâte. Mais pas Touvier. Il essaie même un moment de se glisser dans un mouvement de résistance. Il se connaît un peu tard, hein. Et il est connu, alors il va inaugurer ce qui deviendra chez lui un véritable système. Il se cache chez un ecclésiastique. Un mot auparavant. Touvier n'a pas quitté les locaux de la milice, les poches vides. Il a emporté avec lui la caisse noire de son service. Ah, prévoyant, hein. D'autre part, je pense qu'il a aussi récupéré ses précieuses fiches. Enfin, une partie, en tout cas. Les lettres de dénonciation, par exemple. Ça peut toujours servir. Oui, pour exercer d'éventuels chantages. C'est évident. Mmh. Et cet ecclésiastique-là. Eh bien, il s'appelle Vautrin, l'abbé Vautrin, un curé qui s'est autoproclamé aumônier de la milice. Et c'est chez cet homme qu'il passe les premiers jours de septembre caché sous un faux plancher. Mais c'est peut-être pas très prudent, car cet ecclésiastique-là, aumônier de la milice, risque lui-même d'avoir des ennuis, hein? Bien sûr. Touvier, sentant le danger, ne tarde pas à s'enfuir. Et il ne quittera pas la clandestinité avant 20 ans. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur l'assassinat des époux Bache. Dans l'ouvrage déjà cité de Laurent Grésalmer et Daniel Schneiderman, un certain Monsieur Paul, les deux auteurs citent un mémoire rédigé par le sinistre Lécussan avant son procès sous le titre « Pourquoi ai-je tué Victor Bache ?» Ce juif hongrois, affirme le milicien, symbolisait la mafia judéo-maçonnique ayant asservi la France. Et plus loin, il écrit encore, cet échappé des ghettos de l'Europe centrale était l'une des puissances occultes qui donnait des ordres au gouvernement français. Il fut le créateur du Front populaire qui devait conduire notre pays à la catastrophe et par conséquent, le premier responsable du désastre de 1940, car sans le Front populaire, le bloc France-Angleterre-Italie tenait l'Allemagne en respect. Professeur à la Sorbonne, il pourrissait la jeunesse française. Prototype du juif étranger venu faire de la politique en France, comme Stavisky et bien d'autres, en se poussant dans la maçonnerie, Bache a été le pourvoyeur des charniers de la guerre de 39-45. Victor Bache ne méritait pas de vivre en paix, alors que tant d'innocents étaient morts par sa faute. Comment Touvier se débrouille-t-il dans la clandestinité ? Bien muni de faux papiers, il subsiste grâce au magot, d'abord, qu'il a emporté, ce qui lui permet d'acheter une pension de famille dans la région de Montpellier. Mais il ne tarde pas à la revendre. Il mène alors une vie vagabonde de fuyard passant de ville en ville. Il est recherché, hein? Bien sûr. Mmh. Il va même être condamné par 2 fois à la peine de mort par contumace. Toutefois, il parvient à échapper aux recherches et son magot s'épuisant, il doit improviser. Mmh. Chantage, trafic et même hold-up. Et puis, il a déjà mis au point ce système dont je vous ai parlé. Il demande asile à des prêtres, à des moines. On avoue qui il est ? À certains ecclésiastiques, sans nul doute. Il existe alors dans le clergé régulier ou séculier beaucoup de gens qui ont cédé aux sirènes de Vichy et qui ne demandent pas mieux que de venir au secours d'un milicien. Je vous rappelle d'abord, car nous en avons parlé un jour, qu'un véritable réseau d'évasion de criminels de guerre va être démantelé par la police. Oui, je me souviens, c'est le complot des soutanes. Hein. Oui, qu'on a aussi appelé le complot des couvents. Alors bon, inutile d'y revenir. Mais Vous voyez que des types comme Touvier n'étaient pas entièrement livrés à eux-mêmes. Et puis il faut dire que le Fuyard a un numéro très au point. C'est-à-dire ? Il se présente comme un proscrit, une victime des gaullistes, des communistes et de la franc-maçonnerie. Et puis, il est tellement catholique, toujours disposé à entendre une messe ou à communier. Enfin, pour bien comprendre, il faut dire que cet homme d'une trentaine d'années a un physique très agréable. Ah oui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. C'est à peu près ça, oui. C'est à ce pic que beaucoup de portes s'ouvrent devant lui. En dehors même des affinités strictement politiques. Toutefois, en 1946, c'est le pépin. Ça veut dire ? Paul Touvier est en train de voler une auto dans une rue de Paris. Mais le propriétaire survient, il est armé et tire sur le voleur. Touvier est blessé au bras et s'enfuit. Heureusement pour lui, un de ses camarades l'héberge. Et c'est ainsi que l'ancien milicien rencontre sa future épouse qui n'est autre que la sœur de son protecteur. Une certaine Monique Berthet, dont il empruntera d'ailleurs rapidement le patronyme. Il va donc se marier avec cette femme-là. Dans la clandestinité, oui. Et en parfaite violation de la loi. Un prêtre célébrera le mariage alors que le code civil impose qu'on passe d'abord devant le maire. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, deux enfants naîtront de cette union. Toute une famille qui sera aussi condamnée à la clandestinité. Et notez-le bien, Touvier jouera habilement de cette situation. Ouais, pour inspirer la pitié. Bien entendu. Vous voyez ces pauvres enfants qui doivent se cacher, qui n'ont même pas le droit de porter le nom de leur père. Vous n'exagérez pas un peu, là ? Oh, pas du tout. Touvier, tout au long de sa longue clandestinité, a exploité les sentiments charitables de ceux qui l'ont aidé. Et évidemment, il n'a jamais manqué de rappeler à ses interlocuteurs religieux que, pour l'Église, le droit d'asile était traditionnellement sacré. Alors, il aurait été donc impossible de le jeter dehors, même si ces gens n'éprouvaient aucune sympathie pour l'ancien milicien. Voilà. Touvier était vraiment un type redoutablement habile. En 1947, pourtant, il affronte une grosse difficulté. Et là encore, c'est un sujet que nous avons évoqué il y a longtemps. Le plan bleu. Vous vous rappelez ? Ah bah oui, c'est un complot pas très sérieux, hein, faut quand même le dire, qui réunissait quelques aristocrates tendance chouan, hein, des hommes d'église, des militaires, et puis forcément des activistes nostalgiques du régime de Vichy. Exact, oui. Et on l'a appelé le plan bleu parce qu'on a retrouvé chez l'un des conjurés, un hobereau breton, une chemise bleue qui réunissait tous les documents ayant trait au complot. Eh bien, Paul Touvier en était. Et je me souviens maintenant, et il a été arrêté. Hein. Comme la plupart des autres, oui, mais c'est la suite qui est intéressante. Conduit donc rue des Saussets, dans les bureaux des renseignements généraux, Touvier est longuement interrogé. Touvier, qu'il faut le rappeler, hein, est alors recherché puisqu'il a été condamné à mort par contumace, hein, par deux fois, je crois. Et est-ce qu'il donne sa véritable identité ? Bah écoutez, en tout cas, il est rapidement identifié. Ouais, alors, on peut donc s'attendre à ce que, après cet interrogatoire sur le plan bleu, il soit ensuite remis à la justice, hein, pour répondre de ses crimes pendant la guerre. En effet. Mais au bout de 6 jours de garde à vue dans les locaux du ministère de l'Intérieur, il s'échappe. Mais comment, là ? Oh, bah, le plus tranquillement du monde. Les portes n'étaient pas verrouillées et dans les bâtiments du ministère, personne ne s'est étonné de voir cet homme déambuler jusqu'à la sortie. Pourtant, c'est pas un lieu hein, où l'on peut circuler sans être contrôlé. Et puis à la porte, il y a les sentinelles. Ouais. Alors je vois où vous voulez en venir. On l'a sciemment laissé partir. Ça me paraît évident. Alors pourquoi ? Bah, écoutez, il peut y avoir plusieurs explications. La première, c'est qu'il existait dans ce service des renseignements généraux très compromis avec les Allemands pendant la guerre, des policiers qui avaient échappé à l'épuration. Ouais, et qui ont permis à Touvier de s'évader en souvenir de leur ancien compagnonnage. Deuxième explication. Touvier aurait pu se trouver face à des policiers dont il savait qu'ils avaient été des collaborateurs zélés. Ah oui, alors il aurait menacé de les dénoncer. Bah, pourquoi pas. Mais toi, je n'y crois pas trop. Parce que Touvier, qui avait exercé à Lyon, n'avait aucune raison d'avoir fréquenté les flics parisiens. Alors, voyons la troisième explication. L'ancien milicien a parlé d'abondance et dénoncé ses comparses du plan bleu à une condition, être relâché aussitôt. Ah oui, ça se tient. Cela dit, les policiers prenaient un gros risque. On ne permet pas impunément à un personnage condamné 2 fois à la peine de mort de recouvrer la liberté. Alors, il y a encore une quatrième explication qui n'exclut toutefois pas la troisième. La troisième, rappelons-nous, c'est la dénonciation des conjurés. Hein. Oui, mais la quatrième, c'est ceci. Les flics des renseignements généraux ont relâché dans la nature un indique. Ah oui, alors, Un homme qui donnerait de précieux renseignements sur les anciens collaborateurs? Et tous les comploteurs du même acabit qui pullulaient dans ces premières années de la 4ème République. Je vois assez naturellement l'hypothèse que vous préférez. Oui, car elle explique aussi pourquoi, pendant de si nombreuses années, Touvier a pu échapper à la police. Quand même, Touvier indique... Il le restera très longtemps. Lorsque les renseignements généraux essaieront de démanteler les réseaux de l'OAS, Touvier sera à nouveau sollicité. Et on lui demandera de fournir des informations sur les milieux qu'il fréquente. Ouais, des milieux d'extrême droite, là, forcément favorables à l'OAS. Mais ne vous étonnez pas, c'était un homme de renseignement. Après tout, rédiger des fiches pour la milice ou pour les renseignements généraux, peu importait pour lui du moment qu'on le laissait vivre en liberté. Et toujours grâce aux religieux. Hein. Il ne cesse en effet de quémander des aides pour lui et sa pauvre famille. Et des associations caritatives lui répondent positivement. Ouais, la pitié toujours. Hein. Et en 1949, nouvelle preuve, selon moi, des accords qu'il a passés avec la police, il ose revenir vivre chez lui dans la maison paternelle de Chambéry. Mais quand même pas... au vu et au su des voisins. C'est certain, il évite d'apparaître au grand jour, mais dans ce quartier où l'on trouve beaucoup d'établissements religieux, on sait très vite qu'un couple et deux enfants habitent chez le vieux monsieur Touvier. Le père, oui. Et ses ressources alors? Lui et sa femme se livrent à des travaux de dactylographie, travaux que lui procurent ses amis ecclésiastiques. Il réalise également un disque éducatif et des documentaires. Ça veut dire qu'il doit... obligé de temps en temps de quitter sa cachette. C'est exact. Mmh. Et il met même à profit ses sorties pour essayer toujours la même technique d'apitoyer quelques personnalités du monde du spectacle. Et leur demander de l'aide. Bien entendu. C'est ainsi, tenez-vous bien, qu'il prend contact avec Jacques Brel à l'issue d'un spectacle du chanteur. Et le grand Jacques, qui n'a pas oublié ses débuts très catholiques, est réellement ému par l'histoire que lui raconte Touvier. Il est même si touché qu'il lui propose immédiatement de devenir son factotum. C'est assez incroyable cette histoire. Il a donc embobiné Brel. Et il tentera, non sans succès, la même opération auprès de Pierre Fresnay et Michel Simon. Et avec Brel, là, ça durera longtemps ? Assez, oui. Le chanteur achètera même un chalet situé au pied de la Grande Chartreuse par l'intermédiaire de Touvier. Touvier qui lui rendra régulièrement visite avec sa petite famille quand Brel y séjournera. Et ça se termine comment alors ? En 1972, lorsque le scandale Touvier éclate, Jacques Brel navigue alors en Polynésie. Mais la nouvelle lui parvient quand même. Le chanteur découvre alors la vraie personnalité de celui qui l'a aidé pendant de si longues années. Et dans un communiqué, il affirme qui ne savait rien du passé réel de Touvier. Et il rompt immédiatement tout contact avec l'ancien milicien. Brel a donc été berné, quoi. Assurément. Mmh. Il n'a pas été le seul. Cependant, la grande affaire qui va occuper Touvier à partir de 1967, c'est l'obtention de sa grâce. Je vous explique. À cette date, ses deux condamnations à mort sont prescrites. Mais pour recouvrer tous ses droits et pour pouvoir bénéficier de l'héritage de son père, Touvier doit être gracié et amnistié. Et seul... le président de la République peut lui accorder cette grâce. Ouais. En 1967, c'est encore le général de Gaulle qui est au pouvoir. Oui. Hein. Quand de Gaulle est informé de cette demande de grâce, il réplique férocement « Touvier, 12 balles dans la peau ouais. ». Donc... donc rien à attendre du général tant qu'il est à l'Élysée. Ouais. Aussi, Touvier attend-il l'élection du prochain président. Pompidou en 1969. Oui, et à partir de ce moment, Touvier va mener une véritable action de lobbying pour obtenir sa grâce. Il va réunir autour de lui une véritable camarilla qui va plaider sa cause avec une obstination sans pareille. Et vous le savez sans doute, il obtiendra cette grâce. Toutefois, ce sera pour lui une victoire à la Pyrrhus. Oui, car cette grâce accordée par Pompidou va faire scandale. C'est tout le passé honteux de Touvier qui ressurgit. Et l'ancien milicien doit replonger dans la clandestinité pour échapper à tous ceux qui le traquent, à commencer par la police. Car l'ancien milicien n'est plus un assassin ordinaire. C'est désormais un homme recherché pour crime contre l'humanité. Vous l'avez compris, Monsieur X consacrera notre prochain entretien à Touvier et à la longue traque qui finira par aboutir à son arrestation dans un couvent de Nice en 1989. À samedi prochain, donc, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Et j'en profite pour dire merci à mes collaborateurs, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Irène Menahem et Monsieur Tchoum. Vous avez un projet innovant? Envie de créer votre entreprise? Participez au concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Il a déjà permis de créer 800 entreprises. Vous pouvez obtenir jusqu'à 450 000 euros pour financer votre projet. Information au 01 55 4 fois. 01 55 55 55 55. Ou sur recherche.gouv.fr. Clôture des inscriptions le 28 février prochain. C'était un message du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour l'assurance vie avec un long terme révisable, tapez 1. Pour l'assurance vie auto variable indexée, tapez 2. Pour l'assurance vie à rendement obligataire constant, tapez 3. Je n'ai pas compris votre réponse. Veuillez recommencer. Pour l'assurance vie... Stop ! À la Caisse d'épargne, nous vous conseillons et tout devient clair. Aujourd'hui, nous vous proposons Nuance 3D, une assurance vie au taux de 4,25, garantie en 2006. Et 4,25% en ce moment, c'est tout simplement un taux exceptionnel. Et pour connaître les conditions, passez-nous voir. L'assurance vie, c'est clair, c'est à la Caisse d'épargne. Le système de protection de santé en France a connu une profonde réforme. La multiplication des solutions offertes peut être un véritable dédale, semé de points compliqués. Il était nécessaire de clarifier ce nouveau système. Le guide de la santé 2006 permet à chacun de comprendre la protection sociale, de s'orienter, de faire les bons choix. Le guide de la santé 2006